ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, diffusé sur Radio Béton et disponible en podcast sur notre blog www.velcs.info. Alors nous sommes en compagnie de Jean-Yves Gosset à nouveau pour poursuivre l'interview qu'on n'avait pas terminée la semaine dernière. Bonjour. Bonjour. Alors donc on avait déjà parlé un peu de Framasoft qui est on va dire plus qu'un simple site web, une plateforme presque collaborative du libre français avec de nombreux projets. Les questions qu'on avait elles sont un peu plus générales maintenant, c'était sur comment marche un projet communautaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pour les gens qui sont pas intégrés au domaine du libre peut être assez mystérieux. Est-ce que tous les projets marchent, combien de temps ça peut mettre, etc. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse à cette question. Le principe, quand tout va bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui décide de lancer un projet parce qu'il y a un besoin. Et donc, il va y avoir un développeur qui va commencer à écrire du code. Et puis, il va publier ce code sur Internet. Donc, le code, c'est la recette de cuisine du logiciel. Et puis, une fois que cette recette, elle est publiée, il va y avoir d'autres personnes qui vont essayer cette recette. Ils vont dire, ah bah, tiens, là, c'est bien. Là, ici, ça manque un peu de sel. Tu pourrais pas nous rajouter un menu, etc. Donc, on complète le logiciel. Le développeur continue, etc. Et lorsque on atteint une certaine masse critique, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs et qu'un seul développeur, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a ce développeur, il peut partager sa recette de cuisine avec d'autres développeurs qui vont venir l'aider à participer à ce projet. Alors ça c'est le principe quand tout va bien. Dans la réalité, c'est pas toujours aussi simple que ça. Non pas que, j'allais dire, c'est pas toujours aussi rose. C'est pas que ça se passe mal. Il arrive que les développeurs s'entendent pas forcément bien, mais la plupart du temps, ce qu'il y a comme problème, c'est plutôt un problème de disponibilité. C'est-à-dire que la plupart des développeurs de logiciels libres font encore ça sur leur temps libre ou, on va dire, à la marge de leur emploi. Et du coup, il faut pouvoir trouver, débloquer du temps pour que le logiciel soit amélioré. Et donc, il y a des projets avec lesquels ça marche très vite et très bien. Et puis, il y a d'autres projets sur lesquels c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas forcément simple de savoir déléguer. On peut être un très bon développeur, un très mauvais manager de communauté. Tous les cas sont un peu possibles. Il y a des logiciels qui mettent beaucoup de temps à se développer, il y en a d'autres qui vont très très vite, mais globalement le principe est celui que je viens de vous décrire. Et il me semble, pour illustrer un exemple avec un projet Framasoft, que FramaDVD, annoncé je crois en 2006, vient de sortir après plusieurs années de sommeil, non? Exactement. C'est pas qu'il a fallu 3 ans pour le développer. C'est que il a fallu une impulsion assez forte en fait. C'est-à-dire que c'était un projet que moi j'avais souhaité développer en 2006 suite à un autre projet de CD-ROM qu'on avait fait. Où je m'étais dit on pourrait passer au format DVD. On pourrait mettre beaucoup plus de choses. On pourrait mettre de la musique. On pourrait mettre des vidéos. On pourrait mettre des logiciels pour Windows, des logiciels pour Linux, des logiciels pour Mac, etc. Et en fait, le projet était plutôt bien parti, mais il réclamait quand même beaucoup de temps disponible. Et à l'époque, je travaillais pour l'université de Versailles, et c'était assez compliqué de trouver du temps sur mon temps libre pour développer ce projet. Je tousse un peu parce que je... Ouais, vas-y, reprends ta respiration. Ouais. FramaDVD, maintenant qu'il est sorti, ouais. Donc c'est quoi exactement? C'est des logiciels libres Windows, Linux, c'est ça? Voilà. Et normalement, donc et ce projet est resté en sommeil pendant longtemps parce que j'avais pas trouvé de temps pour le faire. Et en 2009, fin 2008, début 2009, il y a des étudiants d'un master communication et multimédia qui m'ont contacté en me disant on est intéressé par ce projet, on aimerait vous aider à le réaliser. Et donc, moi, ça m'a dégagé du coup beaucoup de temps et j'ai pu leur donner comme cahier des charges le projet de faire un DVD qui comporterait à la fois des logiciels pour Windows, des logiciels pour Mac, une distribution complète Linux, donc une version de Linux qui s'appelle Ubuntu, et puis surtout toute une partie culture libre, qui pour nous est vraiment aujourd'hui le message à faire passer auprès du grand public, c'est que le libre, c'est pas que des logiciels, mais c'est aussi de la musique, des vidéos, des images, des textes, et tout type d'œuvres en fait, qu'on va pouvoir numériser. Et voilà, donc aujourd'hui, ce DVD, on espère en sortir donc deux versions par an, et à chaque fois de pouvoir proposer ça, ça fait sur un support pas très cher, de pouvoir proposer ça à toutes les personnes qui souhaiteraient pouvoir expérimenter vraiment ce qu'est le libre, soit parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet, soit parce qu'ils connaissent mal. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis contacté par pas mal de bibliothèques qui, en fait, voudraient acheter des DVD, alors qu'ils peuvent les télécharger gratuitement, mais qui souhaitent les acheter pour pouvoir les diffuser auprès de leurs usagers dans les bibliothèques. C'est le cas à Lyon, notamment, et dans d'autres bibliothèques de France aujourd'hui. D'ailleurs, en effet, ce Frama DVD n'est pas très cher, puisqu'on peut le trouver à 2 euros sur une nouvelle boutique ouverte par Framasoft, entre autres, qui s'appelle envotelibre.org. Oui, effectivement, on a décidé de... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur enventelibre.org ? Enventelibre.org, c'est la boutique qu'on a décidé de mettre en ligne avec l'association ubuntufr.org. Cette association, donc, elle fait la promotion du système Linux qui s'appelle Ubuntu, qui est un système d'exploitation donc grand public, hein, on va dire un concurrent de Windows et de macOS. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, ben, nous, on fait souvent des produits logiciels que les gens peuvent télécharger, mais à la fois pour soutenir financièrement nos associations, mais aussi et surtout pour permettre de toucher un public qui ne vient pas forcément nous voir lorsqu'on est sur des manifestations ou autres, ce serait bien qu'on puisse leur proposer de pouvoir télécharger nos projets. Donc, par exemple, là, on fait une clé USB qui s'appelle la Framakey Ubuntu.fr, justement. On fait un DVD qui s'appelle le Frama DVD, et l'idée c'était donc de dire, ben voilà, on va pouvoir proposer aux gens, non seulement ils peuvent le télécharger gratuitement s'ils savent comment ça marche pour graver un CD ou pour installer une distribution sur une clé USB, mais on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de leur proposer le projet tout fait, de façon à ce qu'ils puissent l'acheter, donc là notamment pour Noël, et c'est l'offrir à leurs parents autour d'eux, et parents et familles. Et du coup, ça, c'est une boutique. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est deux associations qui se mettent ensemble pour faire une petite boutique en ligne qui tourne vraiment autour du logiciel libre. On n'a pas de grandes ambitions aujourd'hui avec cette boutique, si ce n'est celle de proposer vraiment des produits pas chers pour les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui n'ont pas les compétences pour installer tous ces logiciels. D'accord, alors on va repasser la question difficile. Est-ce que t'as envie de passer une nouvelle musique? Est-ce que t'as une idée d'artiste la petite pause musicale? Alors, la petite pause musicale, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver en... Alors, en plus rock, cette fois, il y a un artiste qui s'appelle Brad Sox. Voilà. Voilà, donc bien, lui aussi de la musique libre, alors en Creative Commons by NC, donc normalement c'est pas d'utilisation commerciale de son œuvre, mais c'est très sympa aussi, et voilà, il faut de la place pour tout le monde. Nous c'est bon, on a le droit, c'est une radio associative. D'accord. Alors je connais plus très bien tous les morceaux, mais on va passer par exemple Bad Sign tout de suite, voilà. Till my dying day, and all my bones. And- Voilà, après ce morceau de Bratsuk, on revient sur notre émission avec Pierre-Yves Gosset de Framasoft. Et tu nous as parlé un peu de... On a parlé un moment de Ubuntu FR. J'aimerais savoir, en fait, les rapports de Framasoft avec les autres associations et les entreprises. Alors, on a surtout des rapports avec les associations, avec les entreprises, beaucoup moins, puisque nous, on est plutôt une communauté d'utilisateurs, en fait, du logiciel libre. On crée un tout petit peu de logiciel, quelque part, mais c'est vraiment pas notre premier métier. Et donc, on a beaucoup plus de rapports avec les associations, parce qu'on les croise régulièrement sur les principaux événements qu'il peut y avoir autour du logiciel libre, qui est comme les rencontres mondiales du logiciel libre, comme la fête de l'humanité, comme... le salon Solutions Linux, etc. Donc on a quand même des temps forts sur lesquels on se retrouve. Et donc, tout simplement, on se connaît, on se croise et on a tous et toutes le même objectif. Avec Ubuntu FR, c'est vrai qu'on fait pas mal de projets parce qu'on les connaît depuis longtemps. On connaît aussi bien l'April, qui est l'association, on va dire la figure de proue associative du logiciel libre en France, avec plus de 5000 adhérents. Et après, on peut avoir des rapports aussi avec les LUG. Alors un LUG, c'est un Linux User Group, c'est-à-dire un groupe d'utilisateurs Linux. Ce sont des associations plutôt locales qu'on va retrouver partout en France. Il y en a plus d'une centaine, dispersées sur tout le territoire. Et on en connaît pas mal parce qu'on les croise régulièrement, qu'ils nous connaissent et qu'on les connaît. Donc on s'échange de l'info, etc. On ne fait pas forcément la même chose, pas de la même façon. Mais on interagit ensemble et on partage ensemble, ce qui est exactement la philosophie du logiciel libre finalement. Alors, ça fait maintenant 8 ans que l'annuaire de logiciel libre Framasoft a été lancé. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le réseau Framasoft, avec tous ses projets et toutes ses réalisations, a réussi à atteindre son but, qui est de faire connaître le libre au grand public? Alors, bonne question. Évidemment, on pourrait se glorifier de ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire que voilà, avoir 1 million de visites par mois ou avoir 1500 logiciels dans un annuaire. Mais je pense qu'on est vraiment très très loin de l'objectif qu'on s'est fixé, puisque nous on a un objectif qui est de faire découvrir le logiciel libre vraiment au plus vaste public. Et il suffit d'aller dans la rue et de poser la question aux gens, à 10 personnes au hasard, leur poser la question: est-ce que vous savez ce qu'est un logiciel libre et ce que ça recouvre comme notion derrière? Si vous en avez un sur les 10 qui vous répond qui sait ce que c'est, on pourra s'estimer heureux. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire, parce que ce travail il est fait de façon associative et bénévole. Ça ne veut pas dire qu'il est fait n'importe comment, mais ça veut dire qu'il est fait avec vraiment avec les moyens du bord. On fait partie des rares associations à avoir des permanents, mais c'est quand même pas le cas le plus courant, donc c'est forcément difficile pour les associations d'être présent médiatiquement, de pouvoir débloquer du temps pour faire un petit peu passer le message, expliquer ce que c'est que le logiciel libre et surtout expliquer ce que ça change dans la société d'aujourd'hui, qui est complètement numérique et où les libertés numériques sont vraiment primordiales. Et tout ça, voilà, tout ça prend du temps et je pense que on est parti pour encore quelques années, voire quelques décennies, si ça continue à cette vitesse-là. Mais on est optimiste. Ok, alors merci beaucoup Pierre-Yves pour cette interview. On va s'arrêter là. Donc vous pouvez retrouver sur le blog de Vous êtes libre ce soir, www.velcs.info, un lien vers le site de Framasoft. Sinon vous pouvez aussi chercher Framasoft sur Google, ça devrait assez vite arriver. Et enfin voilà, je vous invite vraiment, si vous nous écoutez, à aller voir sur le blog de Framasoft, Framablog, voilà, parce qu'il y a des articles très intéressants et très, très généralistes qui ne concernent pas que l'informatique, au contraire. Et c'est vraiment un projet qui est très intéressant. Alors, je te remercie, Pierre-Yves. Et puis, voilà, si tu veux refaire une interview un jour, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, moi de même. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Voilà, au revoir.